tous les pays du monde, nous venons, arrivons, par la terre ou bien par l'onde. Italien, brésilien, japonais, hollandais, espagnol, travailleur, égyptien, c'est plus un italien, brésilien, japonais, hollandais, espagnol, travailleur, égyptien, c'est plus un. Nous venons, arrivons, de tous les pays du monde, nous venons, arrivons, par la terre ou bien. Madame, ma mère de Saint-Domane, à qui je donne mon âme par soi. élixir de joie et d'amour. Dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, pour 3 mois c'est bien peu je crois, bien peu quand on veut tout connaître, aussi je veux passer 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Mitterra, je veux m'en fourrer jusque-là. Jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, portez ma lettre à Mitterra, il veut s'en fourrer jusque-là. Mon père gentil homme austère, dans ma jeunesse avec rigueur, il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche, c'est le moment ou bien jamais. Aussi, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, portez la lettre, mettez-la, je vais m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Mitterra, je veux m'en fourrer jusque-là. Vous souvient-il, ma belle, d'un homme qui s'appelle Jean Stanislas, baron de Frascati? La saison dernière, quelqu'un sur ma prière dans un grand bal chez vous me présenta. Je vous aimais, moi, cela va sans dire, mais ma de vous, je n'en crus jamais rien. Vous le disiez, mais avec quel sourire de l'homme, non, mais ça le valait bien. Ça dura 6 semaines qui furent toutes pleines des passe-temps les plus extravagants, les verres qui se brisent et les lèvres qui disent un tas de mots cavaliers et fragants. Oh, le bon temps, 6 semaines d'ivresse, les longs soupers, les joyeuses chansons, et vous surtout la parle de. Dirais-je, mamie, qu'à présent je m'ennuie comme un perdu dans le fief paternel, et que ma seule joie dans le noir que je broie est de rêver d'un boudoir bleu de ciel. Si vous saviez combien ces choses rares que le plaisir dans notre coin pris, si vous saviez surtout, mais je m'égare. N'oublions pas pourquoi je vous ai créé. Un digne gentilhomme, mon ami, que l'on nomme de Gondremar, s'en va demain matin. Son caprice l'entraîne vers les bords de la Seine, je crois qu'il veut s'y divertir un brin. Or, tout à l'heure, il m'a pris pour me dire où dois-je aller pour m'amuser, mais là, moi, souriant, pardonnez ce sourire. J'ai répondu, va-t'en chez Mitterra. Écoutez ma prière, recevez-le, ma chère, comme autrefois, soyez bonne aujourd'hui. Prenez pour le séduire votre plus doux sourire. Je vous réponds absolument de lui. Je vous... temps pour faire sauter les bouchons et pour offrir les cornichons. Pour décocher à tout propos un manade de cholimaux, c'est moi le coq dans cet emploi. Nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major. Pars du tournotine d'une façon fine, parlez le major. Je suis le major, je suis le major. Pars du tournot chou, pars du tournot flou, parlez le major. Oui, je découpe, fais sauter la coupe. Oui, je découpe, fais sauter la coupe. Je suis le major. Toujours après le dîner, pour un fil qu'il faut cartonner, pas cara ou bien lansquenet, j'ai dans ma poche un chou tout prêt. Mais c'est surtout à l'écarter que brille ma dextérité. Et quand il faut tourner le roi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major. Parle du tournotine d'une façon fine, parlez le major. Je suis le major, je suis le major. Parle du tournot chou, parle du tournot flou, parlez le major. Oui, je découpe, fais sauter la coupe. Oui, je découpe, fais sauter la coupe. Je suis le major. Du haut ça ne coûte rien. Je vis qu'il n'était pas complet. Je m'aperçus là qu'une énorme que je n'avais pas mon plumet. De nos hôtes chantons la gloire, toutes ils savent nous charmer. Oui, toutes, car l'un nous fait boire et l'autre elle nous fait aimer. Ah, ça commence, ça commence. Tout tourne, tourne, tourne. Tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que madame s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Et voilà déjà que madame s'en va. Mais oui, elle s'en va. Tout tourne, tourne, tourne. Tout danse, danse, danse. Et déjà que madame s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Volontiers je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je prends racine où l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi l'on boit à Paris le mauvais vin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ah ah, ça commence, ça commence. Tout tourne, tourne, tourne. Tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tata s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Et voilà déjà que ma tata s'en va. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser, danser, tout le monde danser. Danser

chers amis, je vous présente une gantière autrefois innocente et qui pour moi, renonce à 20 ans de vertu. La gantière vite arrive vers le Brésilien. Il lui dit, voulez-vous gantière vendre des gants aux Brésiliens? C'est mon état, dit la gantière, quelle couleur beau Brésilien. Sang de bœuf charmante gantière, lui riposta le Brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le Brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le Brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du Brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du Brésilien. Sa belle gantière dit tout à coup le Brésilien. Les gants bien moins que la gantière ont attiré le Brésilien. Partez, s'écria la gantière, partez, séduisant Brésilien. Tu veux donc cruer le gantière, tu veux la mort du Brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Un sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Et voilà comment la gantière sauva les jours du Brésilien. Et voilà comment la gantière sauva le Brésilien. Sauva les jours du Brésilien.